mise au point. Ça peut faire nous dire bien, quand t'y penser pour faire songer. Chez moi c'est barricade, pour moi c'est en chance. Mais où toujours en méfiance, dis-moi où seulement moi qu'à flasher. Mais où toujours qu'à douter. Alors bon Dieu pour la vie moi, pour moi ça pas qu'à faire rien. Dis-moi moi en transe, mais où toujours en méfiance. Mais trop longtemps moi constaté, qui tout ça a laissé en pied. J'ai en confiance, moi besoin couper exister.